Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées? Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister? Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine, qui dirige la toile d'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe? Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance? Qui mène la révolution de la terre? Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.